Bon. On continue évidemment la tournée des joueurs de baseball québécois qui évoluent dans le baseball affilié. Il y a quelques semaines, on a fait Francisco Hernandez. Là, maintenant, on va faire celui que ça fait longtemps que je veux parler depuis le début de la saison, puisqu'il connaît une saison incroyable avec les Fisher Cats du New Hampshire. C'est Otto Lopez qui fait pour une moyenne de 352. Bonjour, Otto. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Otto, félicitations pour ton début de saison avec les Fisher Cats. J'ai l'occasion d'aller voir tes stats à tous les jours. Puis il m'a dit une affaire, c'est très, très, très impressionnant. D'abord, es-tu surpris toi-même de ton rendement? Ben oui, je suis très surpris de ma saison, mais c'est le travail que j'ai venu faire genre depuis le début, genre. Je viens faire depuis le début, puis j'ai reçu les résultats. Mais jusqu'à maintenant, j'ai le résultat très bien. OK. Dis-moi, est-ce que l'année que tu as perdu avec la COVID, est-ce que ça a paru beaucoup en début de saison si tout le monde était sur le même pied d'égalité? Ouais, c'était un peu difficile pour moi parce que j'étais à Montréal, je On t'a perdu faisais autre. pas d'activité baseball, rien de ça, genre. Mais Ouais. en octobre, tu m'entends? Oui, je veux s'entendre. Peut-être recommencer, peut-être. C'était difficile pour toi à Montréal, parce que tu étais à Montréal, c'est ça? Ouais, ben, je m'entraînais un peu là-bas, mais après ça, je suis allé à République, puisque le Winter Ball avait commencé. Puis, je jouais pas mal un mois et demi, genre, puis ça m'a aidé beaucoup, genre, reprendre tout mon day off que j'ai eu, genre, pour la COVID. OK. Ta force, c'est évidemment, c'est que t'es très polyvalent. Tu peux jouer à plusieurs positions. De ce temps-ci, tu joues au deuxième but, tu as joué à l'arrêt court, tu as joué au troisième but également. Tu peux jouer comme voltigeur auto. Est-ce que ça a été, quand l'organisation des Blue Jays t'a présenté ce plan-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de relève avec les Austin Martin, parce que tu es un joueur d'arrêt court d'abord naturel. Quand on t'a présenté ce projet-là, est-ce que ça t'a plu au départ? Je n'étais pas surpris parce que depuis le début que je suis arrivé ici, ils m'ont présenté genre comme polyvalent. Ils m'ont dit que tu pourrais être un joueur qui pourrait jouer dans plusieurs positions, tu vois. Puis moi, je me suis habitué depuis le début, tu vois. Puis jusqu'à maintenant, j'ai le contrôle très bien. Puis je me sens beaucoup mieux, genre n'importe quelle position. Ok, il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position, mettons que ben c'est sûr que tu es un joueur d'avant-champ. Fait qu'un joueur d'arrêt court, c'est facile. Un voltigeur, quand tu évolues comme voltigeur, as-tu de la misère à juger la balle quand même, étant donné que tu es un joueur d'arrêt court naturel? Pas Non? mal. Moi, je trouve que quand un joueur d'arrêt court peut contrôler sa position très bien, genre, je crois qu'il pourrait être positionné dans n'importe quelle position, puis il se déroulerait très bien, genre, tu vois. OK. Toi, moi, je l'ai dit, de manière que je te vois, Otto, je pense que tu es un joueur qui va être un joueur très utile à une équipe dans le baseball majeur, compte tenu que tu es capable de jouer à plusieurs positions. Tu sais, il y a des gars comme Brock Holt, des gars comme Marvin Gonzalez également dans le baseball majeur qui sont capables d'évoluer à plusieurs positions. J'imagine qu'ils se sont très utiles à leurs équipes. Donc, j'imagine que c'est un gros, gros plus pour toi, là. Oui, c'est sûr, c'est un plus pour moi. Genre, il y a plus d'opportunités de jouer dans les line-up, tu vois, d'être dans les line-up. OK. Es-tu déçu un peu de ne pas être à Buffalo présentement avec ton début de saison? Moi, je suis un petit peu surpris. Je m'attendais que tu allais être transféré bientôt. Est-ce que tu as parlé comme année tu pourrais aller à Buffalo? Parce que 350 de moyenne dans le 2A, il me semble que c'était pas mal fort, un peu fort pour la Ligue, non? Est-ce que tu as parlé de Buffalo? Attends? Oui, ça coupe un peu. Ouais. Je vais poser ma question. Est-ce que le fait de jouer, es-tu déçu un peu de pas être à Buffalo présentement? Parce que m'a dit une affaire, je suis un peu surpris que tu n'es pas encore à Buffalo parce qu'avec une moyenne de 350, c'est quelque chose, là. T'sais, est-ce que tu as parlé du côté des Blue Jays de t'envoyer à Buffalo? Mais ils m'ont rien dit de ça parce qu'ils ne parlent pas vraiment de mon projet. Moi, je me prépare juste pour ma saison. Genre, n'importe où que je serai, où je suis, genre, je vais faire le même travail, genre. Et ils m'ont rien parlé de Buffalo encore. Pas encore, mais je suis sûr que dès qu'il y a genre une position libre ou quelque chose, c'est sûr qu'on est disponible, toi, pour envoyer là-bas. OK. Dis-moi, frappé au troisième rang, parce que tu frappes beaucoup au troisième rang. Donc, normalement, c'est le meilleur frappeur de l'équipe qui est là. Donc, ça doit te faire un petit blow aussi. Ils m'ont mis dans le troisième, c'est sûr que c'est un des meilleurs c'est sûr, le troisième frappeur, c'est sûr qu'il doit sur le but et tout ça, genre, pour les quatrièmes frappeurs, mais c'est ça, on a beaucoup de joueurs qui comme tu as vu, le line-up, il est insane, là. Il y a beaucoup de prospects et tout. Et je me sens très pas surpris, genre, heureux, genre, Ouais. pour moi, pour mon travail que je fais, pour être dans ces rangs-là, tu vois. OK. Pensez à Toronto avec les Blue Jays au mois de septembre. Est-ce que c'est une possibilité pour toi? Comment? Désolé. Pensez avec les Blue Jays au mois de septembre. J'espère que oui, c'est sûr. J'espère que oui. Ça, c'est un but que j'essaie d'atteindre le plus vite possible, tu vois. Ouais, OK. Dis-moi, les Blue Jays actuellement ont un problème de releveur. Je ne sais pas si tu as un peu leur activité, ça ne va pas tellement bien. Ils ont quand même beaucoup de prospects dans les filiales. Est-ce que tu penses que tu pourrais être sacrifié pour peut-être aller chercher un ou deux bras? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, moi je travaille fort dans ça. J'espère d'avancer le plus vite possible dans qu'est-ce que je peux. C'est leur décision, tu vois. Ouais, OK. Dis-moi, Otto, parle-moi de l'équipe un peu. Il y a quand même plusieurs bons prospects du côté des Fisher Cats du New Hampshire. T'es là, on n'entend quasiment pas parler. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'entend quasiment pas parler de toi. J'écoute les émissions de Sportsnet et Jay Central, et jamais on parle de ton rendement, mais il y a quand même des Austin Martin, il y a Gabriel Moreno, il y a Jordan Grojan également. Vous avez quand même une bonne équipe du côté des Fisher Cats, là. Au bâton, en tout cas, là. Comme je te dis, il y a beaucoup de prospects dans la team. C'est sûr qu'on fait notre travail. S'ils parlent de nous ou ils ne parlent pas de nous, genre on essaie de rester positif. Puis... OK. Dernière question, parce que là, je vois que tu es dans l'autobus auto. Est-ce que tu as parlé à un moment donné de l'équipe canadienne? Parce qu'il y a eu un tournoi récemment, un tournoi pour les qualifications olympiques. Moi, je disais que c'était quasiment scandaleux que Otto Lopez ne jouait pas pour l'équipe canadienne. Est-ce que l'équipe canadienne t'a approché pour jouer? Je crois que oui, ils m'ont pas approché à moi personnellement, mais c'est sûr que si l'équipe me donne l'opportunité d'aller, genre, c'est sûr que moi, je pourrais aller, c'est sûr, sans problème. OK. Ben, Otto, félicitations, bravo. C'est un début de saison incroyable. Je regarde tous les soirs tes statistiques. Je regarde même les matchs sur Minor League Baseball parce que je suis un fan des Blue Jays. Et j'ai bien l'impression que si, on va te voir avec les Blue Jays très prochainement, probablement au mois de septembre. Merci beaucoup. Voilà, Otto Lopez de l'organisation des Blue Jays. Otto, tu fais pour une moyenne de 352. Merci, Otto. Merci. Merci Merci, c'est beaucoup. beau, salut.